Attention, ce disque contient des cascades réalisées par une bande de professionnels. Ne tentez pas de les reproduire. Numéro non achevé. Décline toute responsabilité quant à une éventuelle incitation à commettre des actes subversifs ou de nature à déstabiliser l'équilibre psychologique et psychique de personnes de moins de 87 ans. Aucun rappeur n'a été maltraité durant l'enregistrement de cet album.